Chapitre 3e. Anaïque était bien lasse ce soir-là. Elle revenait du Grand Tresselin, où elle était allée vendre ses coquillages. Et elle marchait si absorbée par sa fatigue et par ses pensées qu'elle ne s'aperçut point qu'un pas d'homme derrière elle suivait sa trace. Il fallut qu'Herbonne lui touche à l'épaule pour attirer son attention. « Eh bien, Anaïque, on est dans la lune ce soir. » Elle s'arrêta, saisie à la voix chaude du garçon. « C'est vous, Herbonne ? » fit-elle profondément troublée qu'il lui adressa la parole aujourd'hui. « Je veux croire, » railla-t-il gauchement et un peu taquin, « que vous n'escomptiez pas un autre gars à ma place. » L'orpheline eut un triste sourire. Pourquoi prenait-il ce ton joué pour lui parler, puisqu'il ne pouvait y avoir rien de bon, à présent, entre eux ? C'était la première fois depuis des semaines qu'Herbonne revoyait de près le visage de son ami, et il remarquait tout à coup avec émotion les traits amaigris, les yeux cernés, les lèvres décolorées, toute cette pâleur qui criait à la désespérance infinie de la pauvrette. « Donnez-moi votre hôte à porter, » proposa-t-il un peu bourru. Elle obéit, bouleversée de cette attention qui lui rappelait sa sollicitude de jadis. « Le dur métier que vous faites ne vous voit rien. Il vous fatigue au-delà de vos forces. J'ai une place à Saint-Brieuc, où la besogne serait plus douce. Je n'ai pas voulu y partir tout de suite. Quand vous êtes loin, le père et vous, votre mère est trop seule avec sa peine. Vous venez donc la voir, quelquefois. Je la rejoins chaque jour quand vous êtes parti. » Il lui verrait un coup d'œil de gratitude. « Ma mère vous aime bien, Anaïque. Et moi, je lui suis toute dévouée. C'est la seule affection qui me reste fidèle. » Il ne répondit pas. Il regardait dans le bague quelques fugitives visions qui mettaient un soupir très doux sur ses lèvres. Mais une pensée qu'il exprima tout haut obsédait le jeune homme. « Qu'est-ce qui vous attire à Saint-Brieuc ? D'où vous est venue l'idée d'y aller ? Une femme du Meurtel me l'a proposée. Elle y a été placée elle-même autrefois. Son ancienne patronne cherche une servante. « Je ne vous vois pas travaillant chez les autres, » observa-t-il avec mépris. « La ville attire toutes les têtes folles, mais vous, Naïque, vous m'aviez paru plus raisonnable. » Ici ou là-bas? Ma place est-elle marquée quelque part à présent? Elle est ici, où vous avez grandi et où chacun vous estime. Elle est également loin du hameau, où ma présence évoque de mauvais souvenirs. Il n'est pas de mauvais souvenirs qui puissent s'allier à vos 20 ans. Vous avez toujours été irréprochable, Anaïque. Elle ne répondit pas, une main de fer la serrée à la gorge, sous l'émotion nouvelle que son compagnon faisait naître en elle. Elle tourna la tête vers le large, pour qu'il ne vit pas la rougeur qui brunissait soudain ses joues. « Qui donc mieux que moi peut vous rendre cette justice ?» continuait Herbonne. « N'étions-nous pas, hier encore, deux amoureux faisant ensemble des projets merveilleux ?»« Ce temps est aboli, il ne reviendra pas. On peut le faire renaître. »« Oh, Herbonne, vous n'êtes pas généreux. Pourquoi parler de choses qui ne peuvent revivre ? Qu'en savez-vous, Anaïque ? Votre frère est mort, » fit-elle avec effort. « Cela seul compte. » « Et nous sépare, n'est-ce pas ?» Il passa la main sous le bras féminin qu'il pressa contre lui. « Ma petite Anaïque, je suis à vos côtés. Ne comprenez-vous pas que le ciel a eu pitié de nous ?» Elle se mit à trembler, et ses lèvres remuèrent pour une interrogation qu'elle n'osait formuler. La jeune fille sentait tout à coup qu'il y avait quelque chose de changé qu'elle ne comprenait pas. Et lui, tout heureux de son trouble, en jouissait pleinement. « Nous nous sommes trompés, mon ami. » expliqua-t-il enfin avec volubilité. « Mon frère est mort en homme, victime de l'ouragan. Le vieux Mathieu qui était avec lui ce jour-là est venu nous l'apprendre tantôt. » L'orpheline était devenue toute pâle, sur ses joues amaigries une larme roulait. « Ma douée, » balbutia-t-elle, « Yann fut victime et non coupable. Herbonne, est-ce bien vrai? Êtes-vous sûr ?»« C'est Mathieu qui nous l'affirme. » « Mathieu ne doit pas mentir, c'est un brave homme, il a toujours été si bon pour moi. » Elle écouta, transfigurée, le récit que le jeune homme lui fit, et à mesure qu'il parlait, sa poitrine se dilatait comme si le poids qui l'oppressait depuis des semaines se dissipait à la voix de son amoureux. Puis, quand il eut fini, elle tomba à genoux sur le sol granitique. « Yann, oh mon frère, je puis donc penser à toi sans t'accabler et sans me maudire. » C'était comme une libération la soulageant d'abominables hantises. Elle n'était plus mêlée à cette mort tragique, il n'y avait même plus de doute du suicide.